Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour les Infinite Wars 2015. Ils étaient 168 personnages au tout début des Infinite Wars, il y a maintenant 2 mois. Ils ne sont plus que 64, 32 personnages des univers comics et 32 personnages des univers écran. Chaque semaine, nous vous proposons un combat qui opposera 8 personnages. Il ne restera qu'un à la fin de chaque émission avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 6 septembre. En direct, le 4e round des Infinite Wars 2015 commence maintenant. Et avec moi pour ce round 4, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Clément. Salut. Et Nib. Salut. On va commencer avec le premier match, qui va être un match de déchirement, parce que Byron, c'est deux de tes personnages, les deux personnages que tu es en course dans cette émission, qui vont s'affronter dès le premier match. Donc tu vas devoir nous présenter les deux et essayer de nous donner des arguments pour les deux. Le premier, c'est Daredevil. Alors pas Daredevil de Netflix, Daredevil du cinéma, interprété par Ben Affleck. Et la deuxième, c'est Catwoman, interprétée par Anne Hathaway dans Dark Knight Rises. Alors, présente-nous un peu tes deux personnages, Byron, et puis après, éventuellement, si ton choix est déjà fait entre les deux, tu pourras nous dire directement pour qui tu nous incites à voter. Et puis nous verrons si nous te suivrons ou pas. Ok. Alors, le film de Daredevil, faut savoir que certains trouvent qu'il est quand même que c'est de l'avis général que c'est quand même un vrai échec, mais il faut savoir qu'il faut quand même regarder la Director's Cut qui est déjà un peu mieux et le film devient vraiment plutôt pas mal et quand on se dit que c'était quand même il commence à dater quand même déjà maintenant et c'est vrai qu'il était pas trop mal non plus pour l'époque je trouvais. Donc bon, il faut quand même être assez indulgent et moi je trouvais qu'il était plutôt réussi, il remplissait bien la mission quand même. Et après l'acteur, le personnage de Daredevil était plutôt pas mal, même s'il y a quand même quelques défauts, mais en gros, il était quand même plutôt réussi. C'était le Matt Murdock qu'on connaissait et tout. Après, certains ont des problèmes avec comment il a été joué, avec l'acteur qui a eu le rôle et ainsi de suite. Mais moi, j'ai trouvé que de ce que je pouvais en dire. Enfin, je suis pas un grand connaisseur ou quoi, mais je trouvais que c'était plutôt réussi. Ça m'a pas trop choqué, quoi, en fait. Donc c'est plutôt pour les points positifs pour Daredevil. Après pour la Catwoman qui a été interprétée du coup par Anne Hathaway, on peut facilement dire que c'est peut-être une des Catwoman peut-être la Catwoman la plus sexy. C'est la plus réussie. Elle a le meilleur costume qui est à la fois assez réaliste, très proche de la réalité mais qui quand même est aussi quand même assez très proche des comics et donc son côté une fois avec Batman, une fois contre, et c'était plutôt bien représenté et tout, donc c'était un personnage qui était vraiment bien réussi et du coup je pense que rien que pour ça elle devrait passer. Ok, donc tu soutiens plutôt Daredevil ou plutôt Catwoman dans cette Catwoman quand même. Catwoman, ok. Donc tu donnes ton point Catwoman. Catwoman avait un point des auditeurs, Daredevil en avait deux, donc du coup on se retrouve avec une parfaite égalité avec ton nouveau point, et maintenant ça va être à nous de trancher. Allons-nous te suivre, Arnaud? Parce que je suis absolument pas d'accord, le film est une sombre bouse, je vote pour Catwoman. Ok, Clément? Catwoman. Nib? Alors je déteste ce film et ce personnage, donc je vote Daredevil. Donc oui, je déteste Catwoman en fait. D'accord. Je vais voter pour Daredevil parce que je sais ce qui nous attend au prochain combat et que j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner pour la suite. Et on se retrouve face à une confrontation, un cas unique, puisqu'il y a égalité. Les deux personnages ont chacun 6 points. Il va donc falloir trouver un moyen de trancher, et le moyen de trancher, on l'a dit, c'est toujours les points des auditeurs qui priment. Donc, c'est Ben Affleck, Daredevil, qui passe au deuxième tour. Yes. C'est une blague. Ah non, mais quel manque de... À moins que Byron utilise son Joker pour tuer un de ses propres personnages. Non, c'est pas... Ok. Et pourquoi je voulais voir Daredevil passer? Pourquoi j'ai voté pour lui? Parce que dans le deuxième match, Nib, tu vas représenter un personnage d'Elvire, tu vas représenter l'autre Daredevil, celui Netflix, joué par Charlie Cox. Et tu vas devoir le représenter face à un personnage également issu de l'univers Marvel, l'agent Melinda May, et c'est moi qui vais la représenter. Oh, je vais me faire fumer. Présente-nous Charlie Cox, Daredevil, Nib. Alors, donc Charlie Cox qui joue Matt Murdock dans la nouvelle série Daredevil par Netflix Marvel. Donc à la base, j'étais pas du tout fan de l'acteur, je me dis putain, il va jouer Daredevil, OK, on va voir ce que ça donne. Mais au final, j'étais vraiment conquis. Je l'ai regardé en VO et j'ai trouvé que l'acteur jouait parfaitement bien son rôle. Donc que ce soit la voix, que ce soit les postures, tout ça, je l'ai trouvé vraiment convaincant. Et bon, même si il prend son pseudo de Daredevil et la tenue rouge qu'à la fin, je l'ai trouvé vraiment bien foutu et je pense que quiconque a regardé la série est du même avis. Voilà. Melinda May, pour ma part, c'est une des personnes qui fait partie du Shield, qui fait partie également de l'équipe de Phil Coulson, qui est également connue sous son deuxième nom, la Cavalerie, qui est interprétée par Ming-Na Wen dans la série Agents of Shield, et qui voilà est un personnage plus qu'éminemment sympathique pour moi. Mais je vais te laisser peut-être, Nib, nous donner des arguments et nous expliquer pourquoi Daredevil devrait battre Melinda, d'après toi. Sachant que tu l'avais pas choisi. Ah, mais je reste fan du personnage, donc... Après, je dirais... C'est un peu dommage, du coup, je savais pas qui c'était à l'avance, mais je trouve que c'est un personnage vraiment cool. Alors, ce qui est dommage, par contre, la série, c'est que, du coup, on a l'impression qu'il est pas aveugle dans leur tournure de phrase, alors que s'il l'est, au final... Et il démerde vraiment très bien, et je sais qu'Elvire n'aime pas quand on dit handicap, parce que oui, on rabaisse la personne, tout ça, mais faut voir ce qui est, c'est, on dit pas handicap péjorativement, c'est, il l'est, quoi, c'est tout. Et il sait surmonter ça, et c'est ça que j'adore. Ok. Voilà. Melinda, c'est d'abord la personne de confiance pour Coulson. Et si Coulson l'a choisi elle, c'est parce que c'est une personne d'une fiabilité. Infaillible, j'ai envie de dire, parce que voilà, elle est quand on a la confiance de Melinda May, on sait que elle ne sera pas trahie. Et déjà, c'est une vraie valeur que j'apprécie chez ce personnage, qui a des capacités de combat incroyables. C'est une femme plus que badass. Elle a un passé que je prends beaucoup de plaisir à découvrir au fur et à mesure de l'avancée de la série. L'histoire de son nom, la Cavalerie, qui est vraiment liée à un drame, on comprend pourquoi elle veut pas qu'on l'appelle comme ça, parce que vraiment c'est un drame absolument affreux qu'elle a vécu et qui lui a valu ce nom-là, la Cavalerie. Et malgré tout ça, elle est restée au Shield. Alors certes, elle a souhaité quitter un peu le terrain, mais au moment où on a vraiment elle, au moment où Coulson est venu la chercher, voilà, elle a su mettre tout ça de côté et reprendre son boulot de terrain et elle a eu raison parce que vraiment elle nous offre des scènes plutôt incroyables dans la série, donc voilà. Et en plus, Ming-Na Wen qu'on avait vu jusque là dans des rôles genre dans Urgence ou compagnie, enfin voilà, elle est quand même pas transcendante, on va dire. Là, elle a quand même haussé clairement d'un cran le niveau de son jeu pour cette série. Voilà pourquoi je la ferai passer au prochain tour, si c'était moi qui choisissais seul, évidemment. Je vous propose de passer au point. J'ai déjà utilisé mon Joker il y a 2 semaines dans la première émission écran pour sauver Batman de la série animée, donc je ne peux plus le faire. Elvire n'a pas utilisé son Joker. Byron, si, elle a utilisé son Joker, excusez-moi, c'est Clément qui l'a utilisé pour tenter bassement de sauver Groot. Donc plus de Joker, on va passer au point. Daredevil est arrivé en tête des votes des auditeurs pour cette émission. Il reçoit donc le maximum de points, c'est-à-dire 5, et Melinda May, quant à elle, en reçoit 2. Elvire donne son point à Melinda, à Daredevil, je veux dire, j'imagine. Je donne mon point à Melinda, et je vais demander à vous, maintenant, de voter, en commençant par Arnaud. Melinda. Surprise. Byron. Daredevil. Clément. Daredevil. Inib. Daredevil. Melinda May 5, Daredevil 12. C'est donc Daredevil qui passe à l'étape suivante et on aura notre affrontement entre les deux Daredevil. On va pouvoir la faire, la comparaison, ça y est. Mais ça, ce sera après les deux prochains combats. Le prochain, j'ai hâte de le voir parce que ce sont deux personnages du même coach, deux personnages d'Arnaud. Et je pense que c'est les deux personnages what the fuck de sa liste. Il n'attendait certainement pas à ce qui passe sans doute en plus les poules et en plus qu'ils se retrouvent dans une émission et en plus l'un face à l'autre. Arnaud, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Tu vas devoir nous animer ce combat entre Freeze, intercepté par Arnold Schwarzenegger, et l'autre Catwoman, celle interprétée par Halle Berry. Vas-y, présente-les. Dis-nous pour qui tu veux qu'on vote. Vas-y, tout ça. Enfin, fais-toi plaisir. C'est... Vous avez une préférence pour que je commence? Vas-y, comme tu veux. Honneur aux dames. Enfin, si on peut dire ça. Catwoman, interprétée par Halle Berry dans le film éponyme sorti en 2004. Qui n'est pas du tout un spin-off d'un autre film Batman ou quoi. Ils ont voulu faire quelque chose à part et ça n'a pas fonctionné. Bref, tout à l'heure, tu disais, Byron, que Catwoman d'Anne Hathaway, c'était le personnage le plus sexy, désolé. Elle est en combi totale, alors que Catwoman, elle porte quasiment rien. Celle-là, elle porte quasiment rien. Donc, je pense que niveau sexy, elle l'a pas. Ouais, il suffit pas d'être déshabillé pour être sexy. Mais... Je suis d'accord. Elle a une grande agilité, comme on peut le voir. Donc l'agilité, ça peut être pratique au lit. Non, putain. Et Clément sort de score, quoi. J'ai mis la totale sur les deux. J'espère pour Arnaud que Clément n'est pas dans son corps. Mais... Oh, oh, c'est dégueulasse. Oh, le twist. Le twist, là, c'est le cas de le dire. Oh, c'est sale. Vas-y, reprends Arnaud, on te laisse. Et en plus, cette Catwoman, elle coûte pas cher, hein, parce que comme on peut le voir... Oh, putain. J'ai pas fini, il y a pire. Elle coûte pas cher, comme on peut voir dans le film, parce que pour manger, il lui suffit d'une boîte de pâté pour chat. Et pour jouer, elle a juste besoin d'une pelote de laine. Et c'est vrai, on voit ça dans le film. Faut pas l'oublier. Et donc, face à elle, il y a Freeze. Alors, dans le film Batman et Robin de 97, de Joel Schumacher, faut pas oublier qui a commis cette atrocité. Et donc c'est un personnage qui fait énormément de blagues pourries. Et ces blagues pourries peuvent jeter un froid, tellement elles sont pourries. Oh putain. Oh, joli. Merci. Et comme on n'arrête pas de l'entendre partout, Winter is coming et ça, il aime ça. Et en plus, avec cette canicule, je pense qu'on aurait tous envie de lui faire un câlin. Je suis pas sûr. Alors, pour qui tu votes? Pour qui tu nous incites à voter? Parmi les deux, si entre la peste et le choléra? Bah, Catwoman, c'était vraiment une daube de chez daube. Et même s'il y avait une director's cut, rien n'aurait pu sauver ce film. Freeze, le film est pourri aussi. Le film Batman et Robin est pourri. Mais à choisir, il est drôle au moins, avec toutes les répliques de merde qu'ils ont pu lui coller. Donc moi, je vote pour Freeze. D'accord. Les auditeurs n'ont pas réussi à départager non plus, hein, puisqu'ils ont mis Freeze et Catwoman respectivement dernier et avant-dernier. Ils ont donc chacun un point dans les votes. Avec ton point, du coup, Freeze prend une petite longueur d'avance. Allons-nous suivre ton conseil? C'est ce que nous allons voir maintenant, et c'est toi, Byron, qui commence. Je vais prendre quand même la Catwoman. Moi, je veux prendre Catwoman parce que la scène avec les chats sur la musique épique, c'était juste magistral. Donc, rien que pour cette scène, je choisis Catwoman. Un chat lui a vomi dans la bouche quand même pour devenir. Ouais, mais c'est pour ça. Merci pour le souvenir. Nib, je vote pour Mr. Freeze parce que, comme dit Arnaud, au moins lui, il est drôle. Franchement, le pire, c'est qu'en plus, mon vote va qualifier l'un des deux. Et en fait, le pire dans cette histoire, c'est quand même, il y a un de ces deux personnages qui va arriver au deuxième tour d'une des émissions. Ça veut dire que sur 84 personnages, il va être dans les 16 derniers. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Pour Arnaud qui nous a incité, voilà, je vais le laisser avec le personnage qu'il préfère défendre, donc Freeze par Schwarzenegger. Et puis parce que j'aimerais bien voir ce qu'il va donner dans le prochain combat, parce que quel que soit son adversaire, à mon avis, ça va être drôle. Quel que soit son adversaire, et ben ça va être soit un autre personnage d'Arnaud, issu de la série Agents of S.H.I.E.L.D., Leo Fitz, l'autre moitié de Fitzsimmons, j'ai envie de dire. Et il sera opposé à mon personnage, Wilson Fisk, l'adversaire de Daredevil dans la série Netflix. J'ai choisi la version, évidemment, Netflix. Est-ce que tu veux commencer, Arnaud? Est-ce que je commence? Peu importe. Non, vas-y. Alors j'y vais. Wilson Fisk interprété par Vincent D'Onofrio. Bon, voilà. Oh non. Waouh, rapide. Évidemment, le plus grand méchant de l'univers Marvel cinématique. C'est pas moi qui le dis, c'est toute l'équipe dans le podcast sur l'émission Daredevil, sur la série Daredevil. Voilà. personnage ultra charismatique, même quand il n'est que de dos, même quand on ne le voit pas ou qu'on entend que sa voix. Enfin voilà, il impose quelque chose. Donc Wilson Fisk quoi. Et puis date scène dans l'épisode 4 avec la portière, qui est peut-être une des scènes les plus marquantes de tout le MCU. Vraiment, c'est un immense moment que cette scène-là. Et voilà. Il n'y a qu'un personnage comme Fisk qui pouvait nous l'offrir. À toi, Arnaud, pour Léo. Eh ben, je te rappelle qu'il a aussi élu le meilleur personnage d'Agents of S.H.I.E.L.D. par toi aussi. C'est ton meilleur personnage aussi. C'est un scientifique. Il a beaucoup d'humour, c'est un personnage avec beaucoup d'humour et l'humour ça peut être une arme importante. Et il a surmonté énormément d'épreuves, je pense que l'humour l'a beaucoup aidé. Entre Simone qui n'est pas amoureuse de lui, contrairement à lui, il s'est sacrifié pour elle, après il a eu des séquelles après son coma, etc. Elle l'abandonne, il y a le shield qui détruit tout ça. Il a quand même surmonté énormément d'épreuves, alors qu'au départ on pouvait pas s'y attendre, parce que c'est quand on le voit, il sait pas vraiment se battre, c'est un petit scientifique chétif, tout ça, alors que c'est un personnage avec énormément de ressources qui impressionne énormément. Et puis quand même, on lui doit quand même la meilleure réplique de l'année, Science Bitch, quand même. Ça doit compter pour quelque chose. On verra. Et franchement, quelque chose. Franchement, l'acteur Ian de Castokir, et je dois avoir quand même un point pour avoir réussi à prononcer ça, il a fait vraiment un énorme travail sur la saison 2. Et tu disais d'accord, Fizz, qu'il est impressionnant dans cette scène avec la voiture, mais au final, il est peut-être cultivé avec une certaine intelligence, mais ça reste une grosse brute qui arrive pas à se contrôler, qui contrôle pas ses émotions. Alors que Fitz, c'est un brillant scientifique extrêmement malin. Ok. Ouais. Tu parlais du passé de Léo Fitz, enfin de ce qu'il a vécu dans la série. Effectivement, il a vécu des choses difficiles, mais je vous renvoie au passé de Wilson Fisk dans la série de Netflix. Si ça, c'est pas un passé chargé, je sais pas ce que vous appelez un passé chargé. Le mec, il a quand même vécu les pires horreurs dans son enfance. Que ce soit avec son père, ce qu'il a vu faire, ce qu'il a dû faire pour défendre sa mère aussi. Enfin, c'est pas une excuse, il faut surmonter tout ça, comme Fitz. Bah, il l'a surmonté puisqu'il est toujours en vie. Ça reste une brute. Mais après, là où le méchant est intéressant, c'est que ce qu'il fait, il le fait pas pour de mauvaises raisons. Ce qu'il fait est mal, mais il le fait pour de bonnes raisons. Il le fait, d'abord pour défendre sa mère, puis pour la protéger, et après c'est pour la femme qu'il aime qui fait tout ça aussi. S'il tue ce personnage avec la portière, c'est à cause de ce qui s'est passé juste avant pour la femme qu'il aime, et finalement peut-être que c'est une brute épaisse qui ne maîtrise pas ses émotions, mais contrairement à la plupart des ennemis, des méchants, des vilains de l'univers Marvel, il en a des émotions. Et il n'a pas peur de les montrer, et c'est ce qui en fait un personnage hyper intéressant. Ça reste un criminel. Il fait peut-être ça pour de bonnes intentions, pour sauver l'honneur de sa copine, etc. Mais après, ça reste un criminel qui veut juste gouverner la ville et voir le monde. Ça reste un criminel quand même. Oui, c'est vrai. Il a peut-être eu des difficultés dans son enfance, mais tous ceux qui ont eu des difficultés dans leur enfance ne sont pas devenus de grands criminels. C'est vrai. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir une belle gueule et d'être bien coiffé pour passer au stade suivant? Je suis pas sûr. Le bien et le mal, c'est une question de point de vue, après. Allez, on va passer au point. Sauf si tu souhaites utiliser ton joker pour faire passer Léo Fitz au stade suivant, Arnaud, parce que toi, tu peux encore le faire. Moi, je ne peux plus, mais toi, tu peux. Non. Non ? Non. D'accord. Nous allons donc passer au point. Wilson Fisk en a récolté 4 et Léo Fitz en a récolté 3, puisqu'ils sont arrivés deuxième et troisième. Bonne note. Un point pour Léo de ta part, j'imagine. Oui. Un point pour Wilson de ma part, même si. Byron. Wilson Fisk, sans hésiter. C'est bon. Wilson Fisk. Et Mib. Vote le chauve. Le chauve. Xavier n'est pas en compétition. Wilson Fisk 11, Léo Fitz 4. Et Wilson Fisk accède donc à l'étape suivante. Et maintenant, je peux le dire, j'en suis très triste, puisque j'aurais tellement aimé voir Léo Fitz. Et intérieurement, j'espérais que tu utilises ton joker, Arnaud, parce que je savais que c'était malheureusement la seule chance pour qu'il passe. J'ai le cœur déchiré, du coup. Mais moi aussi. Je croyais pour un moment, j'ai vraiment cru. Ah ouais. Mais c'est une bande de vendus. Tout ça parce que t'es le patron. Je l'ai bien senti, et... malheureusement. Bon. C'est pas grave, tant pis. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'on aura d'autres twists à l'avenir, on verra. Allez, on va la faire, cette demi-finale qu'on attend, celle qu'on voyait se profiler quand on a vu le tableau de cette émission. Byron, tu vas devoir défendre Daredevil Ben Affleck face à Daredevil Charlie Cox, et c'est toi, Nib, toujours, qui le défend. Byron, pourquoi la version Ben Affleck devrait-elle l'emporter face à la version Charlie Cox? Le seul truc à la rigueur que je lui trouverais, en fait, face à son concurrent, c'est que ça a été quand même le pionnier. C'était le premier Daredevil, et il était pas mauvais non plus. Enfin, ça va, quoi. C'était pas... Ça allait, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça va être difficile. C'est vrai que c'est un peu difficile face à Charlie Cox, quand même. Ouais, ça risque d'être difficile. Non, je vois pas grand chose d'autre. Nib, vas-y. Alors, là, c'est un combat perdu d'avance. Le film Daredevil avec Ben Affleck, je l'ai bien aimé. Il était pas terrible, terrible, mais je l'ai bien aimé. Mais, sauf que Ben Affleck, je trouve pas convaincant. Il se bat, mais pas terrible, quoi. Que Charlie Cox, ce que j'ai aimé, c'est dans les scènes de combat, c'est qu'il est rapide, il frappe, quoi. C'est un vrai combattant, c'est un vrai héros. Enfin, pardon, pas héros, justicier. Donc là, on retrouve vraiment l'universal de Daredevil, donc voilà. D'accord. Byron, tu as la possibilité de qualifier ton personnage pour la finale de cette émission, parce que tu n'as encore pas utilisé ton Joker. Est-ce que tu souhaites le faire aujourd'hui, ou est-ce que tu gardes ton Joker pour l'un des trois autres personnages qui te restent en course? Byron, utilises-tu ton Joker? Non. Non, tu n'utilises pas ton Joker. On va donc aller au point, puisque Elvire a dû utiliser son Joker via Clément l'émission précédente. 5 points pour Charlie Cox, 2 points pour Ben Affleck, Ben Affleck. Byron, tu donnes au point à Ben Affleck? Non, je le donne à Charlie Cox. Et Elvire donne son point, évidemment, à son personnage. À partir du moment où Byron ne donne même pas son point à son personnage, est-ce qu'il y a encore un vote? Oui, quand même, pour la forme. Arnaud? Oui. Certes, Ben Affleck, c'est peut-être le premier, mais ça veut pas dire que c'est réussi. Donc, Charlie Cox. Clément. Charlie Cox. Nib. Charlie Cox. Évidemment, Charlie Cox, évidemment. Et donc, c'est Daredevil version Charlie Cox, le personnage d'Elvire, qui arrive donc en finale de cette émission et qui affrontera au prochain match, donc la finale, Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger, qu'Arnaud va défendre, ou Wilson Fisk, que je vais défendre. Et oui, on pourrait peut-être avoir Daredevil contre Fisk en finale. Et rien que pour ça, j'ai envie qu'il gagne. Mais bon, Arnaud, vas-y, défends quand même, Mr. Freeze. Comment je pourrais sauver ce personnage? Je sais pas. C'est sa chanson. La chanson avec les pingouins. Oui, non, tais-toi, toi. Il est, comme j'ai dit, c'est un personnage très drôle et c'est ce qu'il fallait à ce moment-là pour pas qu'il soit totalement pourri. Et puis, certes, tu disais que Fisk fait cette horreur avec cette scène de la porte, de la portière, par amour pour sa copine. Mais Freeze, c'est pareil, il fait tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de sauver sa femme, qu'il a cryogénisée en attendant de pouvoir la guérir. Et donc, tous les crimes qu'il peut commettre, c'est exprès pour la protéger et la sauver. Et alors qu'il pourrait très bien l'abandonner, aller voir ailleurs, il y a Poison Ivy qui lui fait énormément d'avance, etc. Mais non, il reste fidèle auprès d'elle, hein, et il veut vraiment sauver l'amour de sa vie. Mmh. Bien joué, retournez mon argument, bien joué. Non, mais les gars, c'est Freeze de Schwarzenegger en face, bordel, je vais peut-être pas non plus me donner des arguments pour Wilson Fisk, Vincent Donofrio quand même. Je vous fais confiance, hein, vous me décevez pas, je vous fais confiance. Jamais faire confiance. 4 points pour Fisk des auditeurs, je le rappelle, 1 point pour Schwarzy. Arnaud, tu donnes ton point évidemment à Schwarzy, j'imagine. Oui, et moi, j'utilise mon Joker. Oh là là, bien joué. Et donc, et c'est plutôt malin pour la stratégie pour la suite des Infinitoires, j'avoue que bien joué. Donc, je n'ai plus de Joker, donc Wilson Fisk passe forcément à la trappe ce soir. On va voir quand même pour la forme. Byron, à qui aurais-tu donné tes points, Byron? J'aurais donné un Fisk quand même. Nib? J'aurais dit Schwarzy. Clément? J'aurais dit Fisk. Fisk, donc tu as bien fait, Arnaud, d'utiliser ton Joker. Et ben là, voilà la finale de cette émission, et c'est pas du tout celle qu'on attendait, puisque Daredevil ne sera pas face à sa némésis, et il sera face à Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Flip. Non mais bordel, il est arrivé jusqu'en finale, c'est pas incroyable. J'y croyais pas. C'est incroyable. Alors, c'est parti. Nib, est-ce que tu veux continuer à défendre Charlie Cox? Je pense que j'ai à peu près tout dit, déjà. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres arguments pour Charlie Cox, vu qu'elle n'est pas là? Ou est-ce qu'on laisse un boulevard à Arnaud pour présenter son personnage? On peut juste rajouter quand même, ça n'a pas été dit, mais le costume noir de Daredevil, c'est vraiment le plus cool, quand même. Mm-hmm. Juste ouais, c'est vrai qu'il est cool. C'est vrai qu'il est pas mal. Arnaud, pourquoi Freeze devrait-il battre Daredevil Charlie Cox, le personnage d'Elvire? Je crois que c'est pas possible. Moi aussi, dans un univers parallèle, je suis sûr que c'est possible. Certes, Freeze, son pouvoir, entre guillemets, son arme de prédilection, c'est la glace, c'est le froid, alors que Daredevil, il habite à Hell's Kitchen, le chaud contre le froid, et il peut peut-être congeler, cryogéniser Daredevil, hein, ça doit être possible. Ça peut être possible. Le chaud, le froid, le diable. Ça peut être possible. Bon, on va s'en tenir à ça pour cette finale. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? À part utiliser Schwarzy dans d'autres films, d'accord, il sera de retour parce que c'est le Terminator, mais. I'll be back. Ouais. Ouais. Allez, on va voter. Daredevil était arrivé en tête de l'émission pour les auditeurs, donc il a 5 points et Schwarzy en a 1 quant à lui. J'imagine qu'Elvire donne son point à Daredevil. Carno donne son point à... Bah parce que Daredevil l'a gagné, alors juste pour la forme, je vais dire Freeze. Ok. Je vais demander à Byron de voter. Pas sans surprise, Daredevil. Parce que les absents ont toujours tort, Schwarzy. Clément. Daredevil. Inib. Même raison qu'Arnaud, Schwarzenegger. Du coup, j'avais déjà mis les points à... Alors, Schwarzy 6, Daredevil Charlie Cox 10. C'est donc lui qui atteint la phase suivante, c'est-à-dire la grande finale du 6 septembre, sauf si nous acceptons le twist. Le switch, sauf si nous acceptons le switch. Je vous propose d'échanger Daredevil Charlie Cox contre un autre personnage qui n'a même pas eu l'honneur d'être soumis au vote des auditeurs. Il s'agit Nib, puisque... Non, hein? Oui, c'est toi. Non, qui est-ce qui va le représenter? J'avais dit Clément. Non, Clément, voilà, Clément. Non, c'était Clément. Clément, tu vas devoir nous convaincre d'échanger Daredevil Charlie Cox contre un personnage de la série Agent Carter et aussi du Cinematic Universe, puisqu'il s'agit de Jarvis. Oh. Ah ouais. Edwin Jarvis ou Charlie Cox, Daredevil. Pourquoi devrait-on échanger, Clément? Parce que c'est un personnage déjà qui inspire vraiment une classe, quoi. Il a un côté british, donc je trouve que ça rend le personnage assez intéressant et assez attachant. Et en plus de ça, c'est un personnage qui est très loyal, vraiment très loyal, qui est fidèle, que ce soit à Peggy Carter ou à Howard Stark, et qui mine de rien est très bon sur le terrain. Il peut être assez performant. Et ce personnage nous permet aussi d'avoir des scènes très sympathiques dans Agent Carter, que ce soit avec Howard Stark ou avec Peggy Carter. Mais c'est un personnage qui inspire la classe et qui est plutôt très cool en action. D'accord. Est-ce que toi-même, tu souhaites qu'on échange? Ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite qu'on échange? Oui. Non? Byron? Non, ça reste quand même un concours... relevé et tout, donc il faut quand même mettre les meilleurs en finale, donc ça sera quand même Charlie. Nib? Non, je change pas. Si Daredevil gagne, vous donnez le personnage à Elvire, hein, pas à vous. Donc vous mettez les meilleurs en finale, vous pensez aussi à vos personnages. Non, je n'ai plus de personnages. Ah bah oui, mais là, comme ça... Voilà, c'est ça. Je peux pas faire ça à Charlie Cox, quand même. Non, j'échange pas. Et donc Daredevil atteindra la finale. Daredevil rejoindra donc en finale le 6 septembre en direct, notamment She-Hulk, Wally West, Batman de la série animée. Donc on se dirige quand même vers une jolie finale. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième émission avec l'univers comics. Une émission qui verra entre autres Groot, Batwoman et Captain America s'affronter. À la semaine prochaine donc. D'ici là, bonnes vacances. et à bientôt. Salut. Salut. Salut.